Histoire numéro 3. Jehiel en otage. Ah, vous voilà, monsieur Sholem Aleichem. Asseyons-nous là sur le pont. Ah, on nous a gavés comme des oies. Bien. Je continue mes contes des mille et une nuits, mais en raccourci, d'accord? Vous aimez ça, vous. Où en étions-nous? Ah oui. Alors, mon Jehiel avait refusé de satisfaire le tsar en tirant sur des êtres humains et il avait fusillé son créateur. J'en conviens. Il s'agissait là d'un acte criminel digne des pires châtiments. Quoi de pire que la rébellion, n'est-ce pas? Mais nous autres, nous avons un Dieu plus fort que tous. Alors, que fait-il, le Tout-Puissant? Un miracle, évidemment. Le jour même. Voilà l'Allemand qui entre en scène, ni plus ni moins. Et figurez-vous qu'il fait comme chez lui, musique en tête. Il s'installe en propriétaire, comme s'il tenait de son arrière-grand-père en héritage Kruchnik, Lublin et toute la Pologne. Au début, cela nous avait un peu gênés, nous autres, les bourgeois de Kruchnik. Le Très-Haut t'installe dans la maison comme chez toi, d'accord. Eh bien, assieds-toi, prends la plume, et écris un mot à ton empereur. Monsieur le roi, vu que ceci et que ça, je suis entré en Pologne, et désormais, Kruchnik, qui appartenait au tsar, devient votre propriété à vous, y compris son marché, ses boutiques, son église, ses écoles juives, ses cimetières, l'ancien et le nouveau, et voilà. Mais pourquoi faire tant de bruit? Danser et chanter et tout le reste? Mais pour parler franchement, nous autres, les juifs de Kruchnik, nous n'avons pas considéré la chose comme catastrophique. Pas une larme n'a coulé, pas un soupir. Pourquoi mentirais-je? Parce que le tsar a perdu un village ou même un district? Oh, il n'en manque pas. Vous dire qu'on avait la nostalgie des pogroms? N'exagérons pas. Avec un petit coup de pouce divin, les pogroms, on en entendra parler, mais nous n'y aurons pas droit. Une seule chose aurait pu faire un problème, la langue et la cruauté. Nous aurons à apprendre l'allemand et à oublier la cruauté. Je me trompe peut-être, mais je pense que le yiddish a plus de rapport avec l'allemand que le kaktibia et le jidovskaya morda des Russes. À part ça, laissez-moi vous dire à l'oreille ce que m'a appris Jehiel lui-même. Figurez-vous que la langue russe, ça n'existe pas. Le tsar, il a piqué tout son vocabulaire un peu à nous et un peu aux autres. Et pour que personne ne s'en aperçoive, il a un peu truqué et nettoyé à sa façon. Par exemple, sabota, le samedi. Il l'a pris à notre Shabbat. Pascha, Pâques, à notre Pessah. Luna, il l'a pris à l'hébreu, lebana, la blanche. Roubal, au yiddish, ribel. Kopek, ça vient du yiddish, koipek. Mais la pire de toutes, c'est la vodka. À qui l'a piqué, hein? En bref, il fait son entrée, je veux dire l'allemand. Alors, il faut bien accueillir les invités de passage avec du pain et du sel, selon l'usage. Vous pensez, un nouveau roi, c'est pas tous les jours. Les premiers à crier, comme d'habitude, c'étaient les Polonais. Le Polak, vous voyez, il se frise la moustache et se prosterne, le nez dans la poussière. Alors, nous autres, nous ne pouvons guère rester de côté. On décide donc que les Juifs de Kruchnik suivraient juste après. La question était, qui va y aller? Qui va recevoir le nouveau venu? Quelle question? Les notables, évidemment, et moi. Jacob Jonever et mon fils Jehiel, parmi eux. Pourquoi Jehiel, mon fils? Que vous le vouliez ou non, à cause de la langue. Il n'y en a pas deux comme lui pour les langues. Donc, nous voilà tous partis avec le pain, le sel, les vêtements des grands jours et les hautes formes sur la tête, comme il sied à toute délégation. Nous avions une de ces trouilles, imaginez un peu, un nouveau souverain. Comment allait-il nous recevoir? Ça n'a pas manqué. Nous venons juste d'entrer chez lui, je veux dire chez le commandant. Et voilà une nouvelle affaire. Contributia. Pourquoi mentir si je puis dire la vérité? À vrai dire, il n'a pas commencé tout de suite par là. La contributia, c'est arrivé après. Lui, il a entamé avec les Cosaques. Il voulait savoir où se cachaient les Cosaques des Russes. Une fois pour toutes, les Cosaques et encore les Cosaques. Et il nous regarde tous, comme si nous avions tous une demi-douzaine de Cosaques dans les poches. Nous jurons qu'aussi vrai qu'aujourd'hui c'est mardi, dans le monde entier, il n'y a pas de Cosaques de par chez nous, pas le plus petit Cosaque à se mettre sous la dent. Nous expliquons que le Tout-Puissant nous a épargné cette malchance, et pourvu que ça dure. Il nous avertit, l'Allemand, « Si je trouve chez vous le moindre cosaque ou si quelqu'un tire d'une fenêtre, tirez, chez nous, à Krouchnik, elle est bonne celle-là. Dieu nous préserve des coups de feu, des Allemands, de la guerre et de la peste. » Le commandant nous répond, « Souvenez-vous, le moindre cosaque vous coûtera cher. Pour un cosaque que je trouve, vous me payerez 10 juifs. Et maintenant, les enfants, en avant, contributia. » Nous, vous pensez, ça nous a rendus malades. Pourquoi était-ce à nous de payer sa contributia? C'est l'affaire de l'État, non? L'État fait la guerre, il la perd, alors c'est à lui de verser la contributia, non? Et même ça, je trouve que cela manque de justice. Non seulement je perds la guerre, mais en plus, je dois payer la contributia. Mettons que l'équité, je veux bien passer dessus, d'accord. Mais en quoi tout ça nous regarde-t-il, nous autres, les Juifs de Krouchnik? La guerre, c'est pas nous qui l'avons faite, que diable! Et c'est pas nous qui l'avons perdue non plus! Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes dans un pétrin terrible. D'un côté le tsar, de l'autre le polac. Et puissent-ils bouffer tous les deux ce qu'ils se donnent à bouffer l'un l'autre? En attendant, nous, nous sommes au milieu et nous trinquons des deux côtés. C'est pas suffisant? Il nous faut aussi l'Allemand sur le dos qui exige sa contributia. Va savoir de quel montant il va encore s'agir. Et d'où allons-nous prendre ça maintenant? Conclusion, nous décidons de jouer le mort. Contributia, comprends pas. Comment ça se mange, ça? Mais lui, le commandant allemand, on ne la lui fait pas. Il recommence son discours, tout en jouant des doigts. Comme ça. Pignetti, argent, argent. De l'argent, nous demandons. D'où voulez-vous qu'on vous trouve de l'argent? Nous sommes une ville de pauvres, de va-nu-pieds, de vagabonds. Alors c'est à son tour, à lui, de jouer à l'idiot. Vous amenez séant 10 000 en pièces de monnaie, et d'une, et de la viande et du pain pour les soldats, et de deux, et du fourrage pour les chevaux, les chameaux, les rennes, et de 3. Vous avez 5 heures pour vous décider. Et il montre le même nombre de doigts pour mieux se faire comprendre. Puis, il montre la porte pour nous inviter à décamper. Il faut toujours se montrer poli, n'est-ce pas? Nous nous levons pour sortir, mais il nous arrête. Vous partez, d'accord, mais pas tous. J'en garde 3, en guise de caution. Cela consolidera un peu les chances de votre contributia. Et le voilà qui met de côté le rabbin en titre, et puis mon jaïel. Et nous sortons, en les abandonnant tous les 3 à son bon plaisir. Je sens la terre qui se dérobe sous mes pieds. Que vais-je dire à ma bourgeoise quand elle va demander où est son fils? Et que vais-je répondre à ma belle-fille quand elle va demander des nouvelles de son mari? Quelle idée idiote! J'ai eu de l'emmener avec nous, et le voilà déguisé en caution. Je demande aux autres. Qu'est-ce que c'est que ça, une caution? Personne ne sait. Alors je retourne au galop chez le boyard, je veux dire le commandant. Monsieur le roi, qu'entendez-vous par le terme « caution » L'Allemand ricane. « Ça veut dire que si vous n'apportez pas votre contributia à temps, on leur tire dessus. » Moi, vous pensez, ça m'a fait froid dans le dos. Je me jette à ses pieds. « De grâce, libérez-le. Et prenez-moi à sa place en caution. »« Non pas. » Qu'il rigole. « Je n'ai pas besoin de toi, c'est ton fils qu'il me faut. » Vous entendez? Il lui faut mon fils à moi. Mais j'entends la cloche. On vous demande pour le thé. Bon, allez vous rincer la gorge. Vous ne l'avez pas volé. Bien que c'est moi qui parle tout le temps, enfin bon. Allez, à tout à l'heure. Je vous raconterai comment nous avons payé la contributia. À tantôt.